Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Bande konangai na yeli susu po na kos pousser les susu c'était la carte à planche. C'est vrai, nous confirmons que tous les matériels militaires qui se trouvaient à GLM ont été bloqués, rapatriés sur le, directement sur le camp Tchatch. Donc, il solo ezako koba tozako zela suite. Ce qui va continuer à faire la colonne là-bas, armement, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes informés. Vraiment, tout le monde est là, ndambu, dans la mesure où nous sommes là-bas, si nous sommes là, pour tout le monde est là, totalement. Donc, avec l'appui de Bino Nyonso, nous sommes là, nous sommes dans leur ensemble, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, Congo, RDC, ça Congo, Oyo ya bilaka c'est vrai nankolo dans la mesure où que Dieu a été dérangé par nos ancêtres par le sang de tout cela et quoi qu'il en appelé pour que Congo ata été ni mokote ekoka kokende. Rappelez-vous si Mobutu était arrivé à dire que s'il faut continuer le pacte avec le diable nous le ferons pour que Congo ezala uni ezali kambo ya mukete ezali kambo ya munene. Tout ça qu'on continue de se kokoba pour na kosolo la likambotali mboka na biso. Félicitations na bakonzi ya mboka na ndenge balongoli armement ko tikala te na lupango ya mutu soit disant ancien président de la République, ça ne peut pas rester. Et puis ce qui est sûr est que Sobasidi Sinyonso, l'ex-président Kabila, il faut tikala na policier et non na armée ezako kengela ye. C'est normal. C'est tout à fait normal parce que eza ndenge wana. Et ko longola po armée tikala moko ezala suivi na mokonzi moko, c'est simple, c'est la même chose. Vous avez vu na temps où Kabila ya zaki chef de l'État en 2006 akokaki kondimate que mbemba zala na ba militaire moko e pa ina ye pe na ba militaire mususu ya komaki na guerre po alongola mbemba zala ma militaire te. Mais avec le président Félix Makamba guerre ezate biki kaka nde eza ko résoudre ba kambotu. Ce qui va tout balinguer va provoquer guerre, va y avoir que c'est perdu d'avance. Donc, les Camerounais ne y linga ina loba awa, eza les Cambo oyo ba Congolais tous ça les sous sonité à cause de la macamo tous ça la les sous. Je ne sais pas bas ça la bisona makila nini. Je ne sais pas ce qui bas ça la qui macamo mabena bande konabino propre à un temps donné fobotika. Ici, toko c'est la kaka ba Burundi te ba Rwanda te ba Uganda te ba Tanzanie ba Eritrea ba tuto iba se retrouva ki na Congo ba yaki ndenge ni ba yaki na ndenge ke kuna na Congo eza passoir mutu nyonso za ko iba za ko zuwa biso to sikali si mandenge ni tokende ba yaki ngonge koki oyo buzoba na koko tikala te. Et donc il y a beaucoup d'exemples à vous donner mais sango munene na zolo ba yangoyo mon collègue de métier, Krisa Bosembe, a loba ki angwa kende ki na beni. Na salaka emission na zo loba, batu ebele mabe zako salima na beni, zaba kongole bango moko, wazako iba bandeko nango, bango wazako teke la kagame ba minere, mususu wako teke la ba etranje mususu, zaba bango moko. Na zo waka deku defili ya bato ba finga kangai, ba le ba moninga izo ba itula les Bosembe parti. On vient de découvrir que bato ya société civile oyo eza composé na ba congolais baza koluka par tous les moyens pour salir le président Félix. So ba kutu ba kufimi balé bango ba sala ka rapport ba koma 200 ba pesa na Mundele. Mundele a ganga que tu as la président, Azo Salabo, Azo Salabo. J'ai même d'autres images dans les Sakati. Il y a un esto, il y a un que Félix n'a pas de bango. Pour na bango, il faut pas que tu ndenge un bango qui est na combo de finale. Babo makabande kona bango, bazangi saka bango pongi. Po bango bazua. Mbongo yozui, esengo nango zani ni soki ole yango la bandeko na yote. Esengo zani soki ole na baninga te. Esengo eza wapi soki mboka na yo Kongo e profitete. Donc, na sengi na bato baza na Beni, na Rutshuru, na Butembo. Soki société civile sali lisusu lukuta, bofunda bango na parke. Na sengi na autorité ya mboka, la présence de la République. Où est le conseiller juridique du chef de l'État? Où est-il? Yo kutunde koko conseiller chef de l'État, bo obligé le procureur général de la République, ceux qui a sali tour te pona kozo ba infraction, ba possibilité angoyo. Ba tu a société civile kuna na est, ba komo sala mutu moko akufa ki ba koko masan, pour salir le pouvoir en place. Procureur, après enquête, vous découvrez que ces gens ont menti. Arrêtez toute la société civile, comité Nango. Bon, mais babango na angenga. Je wane ko sila. Et sengo nini Congolais a kozoa ou salir kakamboka na yo tous les jours. Et sengo nini ozo zoa po, o mona bandekolo ba koufa paske bazo fouta yo quelque part, 1000 dollars, 2000, 10 000, 20 000. Et sengo nini. Tango kozoa mbongo ki yo tambura na poto, esko kouti na poto gero wana te. To andenge nini. Donc, faites le nécessaire pour arrêter ces gens de société civile qui trompent chaque jour. Na lobaka yango bo sala attention na bato ba ONG oyo to benga ka ya ba droit de l'homme. Mingi mingi tango ba ko soudoyer bango surtout bo tala ba droit de l'homme oyo za financé par la France et la Belgique bo fungola liso. Bobo sanate ke ba pays mi balewa ne zala ki soutien ya lamuka. ONG nyon se zako sara na fond wana bo surveye ango de près. Il suffit pas promettre bango versement à 100 000 dollars, bako bando kope sa rapport ya lukuta ke bato bako fibo na bo yala, ceci, ya cela. So bo talibi bo kota la ba rapport ebele, même si ya pas souffrance, bango bako makayango. Pour que ba vivre. Po soki ba makamboyo etali droit de l'homme, droit lésé, toke zate ONG kokufa, bango bako kota na chômage. Bandeko na o etali jeune Afrique, conseiller juridique et chef de l'État, les avocats qui sont membres du comité ya exécutif ya UDPS, même les alliés, binonyon sobozawana, exiger na jeune Afrique à la qui sa interview, o ya salakina chef de l'État, à la qui sa na image que tout ça qui n'est place boye, et c'est qu'à l'oba qui déclaration oyo. Bobo sanate ke mindele na presse na bango, le presse du mensonge, basa la kayango tous ces jours. Rappelez-vous ndenge, même Sarkozy l'avait dit, na presse na bango balo bakanini, que Kadhafi est en train de tuer son propre peuple. Basa la ki ko cherche motif tout, ba attaquer Kadhafi. Bande konanga tango ba attaquer Kadhafi, ba silisi Kadhafi. Allez voir la Libye. La souffrance. C'est la même presse qui avait diabolisé Laurent Gbagbo. Mediawana. Bakomakabu singe tout le temps. Sauf aussi, jeune Afrique, Wokokuta, et ça là qu'a interview Moko contre Kabila, et puis on a eu une contre-interview Moussous contre la Oya Salaki. Bobo Sanate que le même média. Nde ememi sakiti Laurent Désiré ba inaye na mboka oyo. Jeune Afrique asalaka ba chantage surtout contre ba konzi ya mboka ya Afrique. Comme ça ba zako benga ye aliaka mbongo ebele po akomaka. Oh quand moi j'écris tout le monde va y croire, tu seras tranquille. Et go simba te na président Félix. Alors, pour que vous faire taire Batouana, portez plainte na fake news oyo basalaki. Comme ça, si vous portez plainte, ba fouti mbongo ebele nyonso ba yibaki na ba pays mususu, ils vont se taire sur le cas du Congo. Bande konangai, batou mususu oyo basako se prepare pour na kosabote, bazali kaka meto yibi bangote. Nazo pesa tactique moko simple pour avoir vécu longtemps dans l'armée, na ba base militaire, ba camp, ba tout ça. Ba surveiller beaucoup. Ba militaire rebelle ndenge bazalaki kuna na front. Ba oyo bazalaki ko constituer ADF na lou, bazalaki ko vivre grâce à massacre. nde baza kozwa mbongo. Me kati ya ba militaire mususu kaka epai na biso, bobo sanateke ya mabe baza na kati. Baza capable na moment ya opération ba tirer sur la population civile pour que ekoyela opération ya ba militaire ya FARDC baza kosala pona ko bimisa munguna. Bo surveiller bango de près parmi les Congolais baoyo baza mabe pona ko bebisa bazali. Akoki parfois ba ennemi ba se rendre sero ba convention à Genève. Lorsque l'ennemi a se rendre à Boyiku Bitumba, beaucoup de gens sont soutenus, beaucoup de colonel na général, Bayaki balobi biso tozongi, tokota na molongo, na logique ya chef de l'État, na mampinga ekolo. Batu mususu moni bakoki kosala nanko, tango ba ennemi va se rendre, bango va tirer, bango va le bao, il est en train de tuer les autres. Les éléments à colander là de près. D'abord, porter plainte contre Jeune Afrique, ça va permettre à ce que se taire. Nazako Senga na ba mettre tout le temps avocat. Boluka ka ba dossier yango ya Jeune Afrique. Vérifiez lorsque vous établissez que c'est un mensonge, mettez la justice en mouvement. Justice internationale est en mouvement. Pour faire taire Batoyo. N'oubliez pas que c'est le média qui avait donné un faux pourcentage il y a 62. C'est faux, il n'avait pas les résultats. Ba créa ki ango, ba yebi ke ba africain, ba croire ka trop na ba RFI na ba France 24 na ba TV5. De temps ba timisa ki résultat lukuta et memela ki biso liwa awa. C'est ces résultats qui sont arrivés à séparer ba tout pamba ba sa ko vivre en paix. Bande konangai, l'heure est grave. Grave positivement. Tolingi to signalé que tout pouvoir est reposé sur la sécurité et les médias. Le corps va dépouiller GLM, va dépouiller Kingakati, va dépouiller partout pour que l'armée reste au service de la nation. Et que le chef de l'État, ça sera le seul commandant suprême, il n'y en a pas deux. Parce qu'on est en train de faire cela, n'oubliez pas, tant que baganga rapport à la presse présidentielle, tant que baganga rapport à la communication du côté du chef de l'État, parce que le média c'est un pouvoir terrible. Balobaka quatrième pouvoir, pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, pouvoir médiatique. C'est un pouvoir bandeko. Yango na ba presse étrangère, ça ko sala tout. Il y a que le président de la République a tremblé. Le gouvernement est financé par le gouvernement. Il y a eu encouragé Batu Toboi. Nous avons besoin de la paix ici chez nous. Si nous avons une information à donner, il y a d'autres presse périphériques. Il y a eu qui ont été France, ça a été fait pour les satellites. Il y a eu un satellite qui a été fait pour les gens puissantes. En donnant de fausses informations pour déséquilibrer le pouvoir de Kinshasa. Donc, il faut que vous jouiez carte na batoana na ndenge et longo bani. Ya ko corrompre bango pour pas ça ba fake news, on n'est pas là-bas. Boye ba kende ndenge ba sako sala. Ba information ebele ba bimisaka eza ya lukuta. Je vous dis encore. Bobo sanate que ba information ya lukuta. Et Bébisaki, Irak. Rappelez-vous, na tango George Bush, chaque kolobasiko, yoba journaliste, baye balobi, bosu bobomi Saddam, toboya kiye awa, to lingi bo présenté biso ba arme chimique, o yon sozala ki na yango. Bandeko George Bush, junior alobi, on s'était trompé, il n'y en avait pas, ba betaye sa patte. Parce que l'Irakien là-bas s'était rendu compte que to sali bêtise munene biso to kokoya na mutambu la bangote lokuta na bango surtout France na ba media na ye bazala so balingi ba ba baby sa vie ya pays songolo lokola ba yebike batumwindu ba kurwara katro na mundele bako banda kopesa ba information ya lukuta lukuta lukuta jusqu'à ce que le peuple a découragé. Rappelez-vous qu'ils étaient en train de dire que Emmanuel Macron a mis sa président Félix à se défaire na Kabila. Lukuta. Oye Mobutu Azali Koloba, Louvounou. Macron qui était en train de soutenir Fayulu, conseil nini alinga ke pesa na président Félix Yamalonga. Faux. Peuple congolais, tous à la canne à réfléchir avant. Tondi Mamakam. Il n'y a jamais eu de conseil de ce type-là. Il y a que oh, à ça la boye pour na boye. Ma, il y a attaque à Bengisaki Félix à Yambi et Kouna na France. Totikali et Kenge Koluta Nyao. Je vous signale. Na lobaki ke kende ya Moïse Katumbi Kouna na États-Unis. Pour y avoir un département d'État américain, et ça, tourisme été. N'a confirmé le côté Soki à l'Obaki Buenaboye, mais connaissant leur plateforme, tout ça la très attention. Parce que, Bazalaki Batoyo, Bazalaki Dil na Bangona Basoroz, Mon Ibrahim, ces gens-là ne laisseront jamais passer ce pouvoir sur le tapis rouge. Alors, Boko Zalaka a distrait na kota la bato FCC, tout surveiller la mouka, tout surveiller ensemble. Parce que, Bazaka ke loko moko. N'oubliez pas que Moïse Katumbi a l'obaki kanda nangai a Zalaki Félix, mais a l'andaki Félix était à soutenir qui ennemi ya Félix. Il faut bien qu'on a tous à la canango, on a tout tous à analyser, tous à comprendre les négés au kende. Na l'obité que na minute ya sali loko tel, na l'obité que tous à la kaka toujours, ozake, na ko talaka, abimia ke osala nini ya sali yango ndenge nini, ezan ndenge nini. Ba dossier moussous tokozonge lango sima. Donc, nous avons l'obligation de surveiller et FCC et ensemble, ko surveiller bango de près. Pour nous dire ça, mon angai à l'élo, na lingina tanga, article de la Constitution, article 69 de la Constitution, cet article de la loi mère dispose ce qui suit. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage, très important, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que de la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Il est l'arbitre. Nazo répondre Moutoumoko Boye a s'improvisé à ce qu'on analyse l'article de la Constitution comme côté Nabango et Zalaki classe politique et chance loko pamba. On vient de l'Europe, chômeur, on vient ici, on analyse des textes qu'on n'a pas appris à l'école. Là où on était en train d'évoquer l'article Moko Kuna Nakati pour montrer que le chef de l'État n'a pas le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Quand on dit que cet article-là sera contresigné, il y a un contresaint, ça ne signifie rien du tout dans la prise de décision. C'est le président qui a le pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale. Lorsqu'on dit qu'il est l'arbitre par l'article 69, Nalingine a expliqué Baoyo Bakenda classe ya tourisme. Que le rôle d'un arbitre, c'est de départager, de décider. C'est l'arbitre qui dit, oh, yonde azan a raison, allez, yo, fanda. C'est l'arbitre qui arrête le match ou bien qui fait continuer le match. C'est l'arbitre qui accorde le but ou qui refuse le but. C'est l'arbitre qui confirme la victoire d'une équipe ou pas. Ici, le chef de l'État est l'arbitre, c'est-à-dire, il est au-dessus de toutes les institutions. Maintenant, pourquoi aujourd'hui je parle de cet article 69? C'est parce que Nayoki Nungu Nungu ça et là, n'a côté IDPS, que pour les 38 ans d'existence du parti politique, le parti politique le plus installé au pays, sans moyen de l'État, l'UDPS, Balingi, chef de l'État, Zala Jourwa Nakuna. Non. Nous disons, nous n'allons pas entrer dans ce jeu. Il y a Oyo, constitution et prévoirté. Pourquoi j'ai dit non? Parce que le président de la République, quand il était encore M. Félix Tshisekedi de tout court, président de l'UDPS, pour être candidat président de la République, a démissionné qui n'a eu de peine, n'a pas été chef, il y a président, il y a eu de peine. Parce que constitution est boyaz à la chef de l'État d'un parti politique. Dès lors qu'il a démissionné et que le président actuel c'est Jean-Marc Kabound, le président ne peut pas venir dans la manifestation, il y a eu de peine, et c'est quand on se salima. Parce qu'il est l'arbitre. Il ne peut pas être juge parti. Parce que s'il va à cette rencontre, ce que la Mouka vient décider à sali à une rencontre à Bengisie, cela veut dire qu'il faut Akende. Donc il ne peut pas aller à ça. C'est contre la loi. Lui, si le chef de l'État a besoin de la population congolaise, à Bengi sa meeting dans le stade, parti politique et tout, et Kokikoya. Parce qu'il s'adresse à la population congolaise. Il est arbitre, il ne peut pas quitter le niveau où il va jouer la biloko wana. Je demande à l'UDPS de ne pas agir en opposant. Vous êtes au pouvoir. De ne pas considérer le président Félix comme étant encore le président de l'UDPS à l'heure qu'il est. Non, il est le chef de l'État congolais. Il est le chef de tout le monde. De ce fait, tant que ça, la fête, il y a 38 ans, vous pouvez appeler tout le monde. Le président de l'IDPS est là. Il s'appelle Jean-Marc Kabound à Kabound. Le patron, il y a secrétariat à Nyonso, il y a IDPS, c'est le secrétaire général qui s'appelle Augustin Kabouya, est là. Vous avez des secrétaires nationaux, ils sont là. Vous avez des gens, ils sont là. Vous avez des partis politiques alliés, ils sont là. Les chefs de l'État ne peuvent pas venir à cette rencontre. Sinon, toutes les rencontres, ça c'est un sur le plan de droit. Sur le plan sécuritaire, il est inconcevable, par ces temps qui courent, na makamboye baza kolongola ba arme et paye na paye, munguna zola la pongite, il est capable du pire. Bakoki ko sala lokola basimi balé liboso a Salomon moko alobaki bobo makamo na tokabola so bakaboli mwana katikati mwana akufistela devir oya zaki na tendance ke ebe bakaka biso nyoso tozanga amener chef de l'état dans une telle grande rencontre il dépasse sa zana batu moko ebele makasi so ki baye ko tonda na stade de martyrs za na 80 000 places mais nombre bakoki ko ya bakoko ko tata 120 000 po bakoko ko tonda ti na pelouse. Maintenant, le danger, c'est quoi? Bato, Oyo Balingaka, chef de l'État, en fait, c'est clair, c'est la Mouka qui est l'opposition, on a bas ensemble. Bako qui peut qu'on s'en a tout. Batindi même près de 10 000 personnes, bako kota na stade, pour na kolo la chef de l'État. Et bako zala na ba téléphone, bako filmé, ba caméra, ba presse moussou, soeza pro, opposition, et qu'on filmé, bako zwa kaka parti ou an a bas exploité dans le futur. Je ne veux pas dire ici que Bakoyoko Beta Massa Sikuna. La sécurité du chef de l'État, elle est très, très organisée à l'heure qu'il est. Mais, bêtise y a boye. Dès que Salemi, Baololi, Babouaki, Bamabanga, attaque au Bakoyoko Beta Bango, Fimbo, Bobo, évacuer Bango. Mais pour évacuer 5 000 personnes, par exemple, sur 100 000 personnes, ce n'est pas facile. Désordre comme mes copains, ça sonne dans le pouvoir. Bah, français, bah, zéla, kaba, occasion, d'engouana, pauvre, Bakoka. Faire une histoire sur le chef de l'État. Boti Kalakobo, ça n'a été pendant 5 ans que l'ennemi Azali FCC, Azali Lamouka, Azali ensemble. Pas l'ennemi, l'adversaire. Congolais na sengi boza la presete. Angela Merkel tango akotaki na bokonzi na Allemagne, ayebi saki ba Allemand. Donnez-moi les 4 ans de mon premier mandat, na koka kosala ba reforme, bokanga motema. Après deuxième mandat, nde boko tunangai, qu'est-ce que j'ai fait? Mais chez nous au Congo, tout ça pressé. Déjà, à 2 mois, il y a chef de l'État, il y a un conseil, il y a un côté les Zang, il y a un côté les Zang, grève, grève, grève. Et ça, il y a patience, et ça, il y a comment il faut travailler, comment il faut rester dans le travail, comment il faut donner le temps. Pour évacuer l'arme, ça, ça a pris du temps, 1 an. Et ce n'est pas tout. Arme, ça, quand il y a un cas, il y a un cas, il y a un cas, il y a un cas. Moussous, c'est ça, il y a un cas, il y a un cas, il y a un cas, il y a un cas, il y a un cas. Il faut qu'on soit nyanson. Donner l'État au chef de l'État. Dans le système économique, bon, on a qui image, il y a 5000 francs et ça, il y a pirate. Nde matisa ki taux, il y a dollar. Le taux était ceci, il est devenu cela. Non! On connaît le jeu. Ça, là, qui va bien, moussoussou. Jusqu'à la Banque centrale. Il faut vous assurer que tu vas avoir un bazar comme ça la politique à chef de l'État. Ce que vous assurez, c'est que vous avez un bon. Jusque là, le secteur informel, il faut vous assurer que vous avez un bon monnaie nationale. Vous avez un expatrié comme immigré. Le cas où vous avez un bon expatrié, les immigrés, vous surveillez un bon de près. Vous avez un essence, vous surveillez un bon. Et si j'ai ça, je vais vous donner un bon. Donc, soyez calme, soyez apaisé. Le pays marche, va marcher encore davantage. Bah, oh, nyonso, bah, c'est là qu'il faut douter. Votre doute s'arrête par là. Jelem a été désarmé. Il reste Kingakati. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.